Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprises, bien sûr, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors, nous sommes en direct du Salon Franchise Expo Paris 2024, où je me trouve avec Déborah Benisti, la responsable développement national du réseau .S. Alors bonjour Déborah, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter personnellement ? Donc bonjour, je suis Déborah Benisti, donc je suis la responsable du développement du groupe .S France. D'accord. Et pour me présenter personnellement, eh bien, je vais bientôt avoir 45 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et ça fait plus de 17 ans que je suis dans le monde du pneumatique et de l'industriel. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore votre réseau, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre concept ? Alors, .S, c'est pas un seul concept. Hein. .S, c'est 7 concepts aujourd'hui. Ça existe depuis 1971, donc plus de 50 ans. Ça fait quelques années déjà. Et oui. Derrière, c'est un groupement d'intérêt économique. Hein. C'est un concept qui appartient des concepts, je dirais même, qui appartient à ses adhérents. Les adhérents sont actionnaires de l'enseigne et sont au cœur des décisions. Donc pour parler des concepts, parce qu'on va aller un peu plus dans le détail, on a notre concept phare qui est bien évidemment l'entretien rapide. Donc le pneumatique et l'entretien rapide, parce que chez .S, le pneumatique n'est plus à expliquer. On a un ADN de pneumaticien, mais on fait aujourd'hui également, et depuis plusieurs années, de l'entretien. D'accord. On s'occupe aussi également de tout ce qui est poids lourd, génie civil, agricole, manutention avec notre concept industriel. Et on a aussi des concepts qui sont un peu plus récents, qui sont le concept vitrage, aussi bien pour la partie tourisme que pour la partie industrielle, le concept vente auto et le concept écomobilité. Nous traversons actuellement un contexte un peu mouvementé hein, avec le post-Covid, l'inflation, la guerre aux portes de l'Europe. Bref, comment se situe votre réseau dans ce contexte ? Effectivement, on est dans un contexte économique mouvementé, comme vous le dites, hein, par la guerre, mais également par l'inflation, par la transition énergétique dans notre domaine et aussi. Je dirais que pour nous, on a la chance d'avoir un réseau qui appartient à ses adhérents et on s'adapte. Hein. En fait, on va travailler sur l'adaptabilité, d'où le fait que je vous ai parlé des autres concepts qui ont été créés pour gérer sur la rentabilité et la profitabilité de nos adhérents. Nous, notre but chez nous, chez .S, c'est d'avoir des gens dans le monde de l'automobile, l'automobile avec un grand A, qui se sentent bien chez nous et qui puissent être profitables. Alors, vous êtes sur un secteur assez concurrentiel, voire peut-être même très concurrentiel. Comment vous faites pour vous différencier ? Alors, on se différencie par le fait que nos adhérents sont au cœur des décisions. Donc, on n'a pas de grosses structures qui sont au-dessus et qui décident pour nous. Donc, on va faire en fonction des situations économiques, mais également, en fait, par le biais des concepts. Hein, ça joue sur ce changement-là. On joue également, et c'est même pas un jeu parce que c'est un véritable travail, c'est toute notre communication. On est connu et reconnu. Pourquoi ? Parce qu'on communique beaucoup et parce que, et là, le service de développement est le principal acteur. On se développe aussi énormément. Donc, qui dit un beau maillage dit une belle notoriété. Une belle notoriété, ça amène de la confiance et de l'identité visuelle et donc du potentiel client qui est là. Mais on a ça, mais on joue aussi sur nos conditions d'achat. On a notre centrale d'achat qui s'appelle Viasso. D'accord. Qui travaille énormément avec les différents fournisseurs pour avoir de bonnes conditions d'achat, mais également du service auprès de ces fournisseurs. Et on a aussi toute une partie grand compte. On a travaillé sur le référencement et les appels d'offres, aussi bien sur la partie tourisme que la partie industrielle. Donc on a beaucoup de choses, en plus des autres concepts dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui nous permet de nous différencier par rapport à la concurrence. Alors, question que va se poser tous les porteurs de projets, j'imagine. Est-ce que c'est rentable de vous rejoindre ? Et je vais pas vous dire non. Donc, sur un groupement d'intérêt économique qui existe plus de 50 ans, si c'était pas rentable, on n'existerait plus, en fait. Parce que nous n'avons pas de grosse structure au-dessus pour pouvoir apporter des fonds. Nous, on travaille qu'avec nos adhérents. Et notre but à nous, effectivement, chez Point S France, c'est travailler sur la rentabilité et la profitabilité de nos adhérents. Qu'ils soient bien, qu'ils fassent leur métier et qu'ils le fassent du mieux qu'ils le peuvent avec le sens du service. Et nous, on est là pour s'occuper justement par le biais des conditions, par le biais de la communication qui est négociée parce qu'on est nombreux et donc ça nous permet de négocier par le biais des différents concepts, de travailler sur la rentabilité et donc la profitabilité. Alors Point S est un groupement d'intérêt économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce qu'est un groupement d'intérêt économique ? Donc en fait, ce sont des adhérents qui se sont regroupés pour travailler ensemble sur des conditions, mais également sur un nom. Donc en 1971, aujourd'hui, et d'autant plus au salon de la franchise, ça nous paraît juste légitime d'avoir une belle enseigne parce qu'il est plus facile de travailler ensemble sur des enseignes reconnues. En 1971, ils étaient très précurseurs et ils ont travaillé en fait, ils se sont mis tous ensemble en se disant si on est plus nombreux, on pourra mieux négocier sur nos achats. Si on est plus nombreux, on pourra mieux communiquer parce qu'on aura plus de moyens et donc plus de visibilité. Donc ça, c'est une partie du groupement d'intérêt économique. Et comme je disais, on est une enseigne qui appartient à ses adhérents. Et chaque adhérent est actionnaire de l'enseigne Point S. Nous avons un conseil d'administration fait d'adhérents élus, donc qui sont au cœur de nos décisions. Et on a également des commissions en fonction des différentes activités avec nos adhérents. Alors pour tous ceux qui souhaitent vous joindre, vous contacter, comment faire pour vous contacter ? Alors c'est très simple, on a un site qui fonctionne très bien, qui est le site Point S. Et il y a une partie justement pour nous rejoindre. Donc il y aura l'adresse email du service développement. Il y a même des candidatures en ligne. Elles arrivent directement auprès de mon service et on se fera un plaisir de vous répondre dans les 48 heures. Alors pour conclure cette interview, j'ai envie de vous laisser la parole, vous adresser directement au porteur de projet. Donc allez-y, vous avez carte blanche pour conclure cette interview. Je dirais qu'on a un super slogan qui s'appelle et qui se dit « Pas de stress, IA.S ». Rejoignez-nous. On est une belle enseigne, une enseigne familiale. On est de plus en plus nombreux, mais on a gardé ce côté proximité. On sait s'adapter. Donc venez nous voir et on va s'amuser ensemble. On va faire du bon service et on va faire attention à ce que vous faites déjà si vous avez envie de rejoindre cette enseigne aux clients, au service client. Et pour finir, ce que j'ai dit dès le début, pas de stress, il y a Point S. Eh bien, un grand merci à vous, Déborah Binisti, donc la responsable du développement national du réseau Point S, de vous être prêtée au jeu de l'interview questions-réponses non préparée. Mais bon, vous le savez, on est toujours très sympathique sur Radio ETS, puisqu'on est là pour vous aider à mieux comprendre et à mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS, c'est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors, cette interview vous a plu, vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau Point S? N'hésitez pas à le contacter directement sur son site internet points-france.fr ou sur Choisir sa franchise ou enfin sur tous nos réseaux sociaux puisqu'on vous répondra dans tous les cas. Merci beaucoup Déborah, à très bientôt.